il a acquis le monde. Il a acquis le monde. Hey yo, le monde est à moi, à nous. Pendant que les concurrents abordent, je m'assois sur le trône, j'élève la voix. Être à voir pendant que je pavote cet instru, je sais que t'as froid. Le son est glacial, j'escalade l'échelle sociale. Quand je serai au top, t'enverrai une carte postale. Ça fait longtemps que je regarde plus vers le bas. Je vais te montrer la démarche, plus qu'une marche à monter. J'ai plus qu'à faire le pas, je resserre les taux. Je vais accoucher d'une tuerie, déjà je perds les os. Tant qu'à faire, je vais t'apprendre comment faire taire les os. Serre-leur quelques rimes chirurgicales pour réduire en poussière les autres. Revenons au thème, je suis opportuniste. Je mets au bord du coup des ennemis, car ce sont c'est de l'or délicieux. Antiport, bélique, reste en bord délique. Chrome sort des disques, des merdes visqueuses que sont les MC. Je m'agrippe sur les passages et ma griffe les rend malades. Les vois tous essayer de me dépasser à travers l'univers. Ce monde m'appartient, mon influence prolifère. Qu'à dernière mesure pour ce flow que je m'octroie entre les poules. Mais les claves, j'ai vu que c'est LCI 2. Ton empire n'est plus que centre. C'est sort en cul, y'a les numéros, bras et terreau sous mes doigts. Il est à nous, qu'on fait graver les enchères. Et laisse ses pauvres concurrents sans eau et sans chair. C'est la révolte, on fait parler la poudre. Toi t'as un coup de foudre par un son à 12 000 volts. Le monde est à nous, qu'on fait graver les enchères. Et laisse ses pauvres concurrents sans eau et sans chair. C'est la révolte, on fait parler la poudre. Et toi t'as un coup de foudre par un son à 12 000 volts. On débarque en bande, toute une armée d'enfoirés. On vient soutirer nos pouvoirs à tous nos détrousseurs. On marche sur la cadence de la crainte venue moirer. On rase la ségrégation de cette nation sans douceur. On t'embarque dans ce galion en combat pour toute une légion. On n'a qu'une seule région, c'est ce monde sans raison. La mer nous berce et notre rancune nous transperce. Notre amour se jette tandis que nos larmes se versent. Je m'empare de ce monde, je m'en bats des frontières. Une soudaine pluie de sang abreuve les gouttières. Tribu en table, ça marche ténébreuse. Entends du tonnerre qui gronde, des glaciers qui fondent. Et les ondes qui se creusent. Révolte a sonné, c'est le jour J pour venger tous nos potes assommés par la haine que l'homme a semé. On s'élève tellement qu'on va bientôt plafonner. Ma mèche est embrasée, mon hip-hop va détonner. C'est à nous qu'on fait grimper les enchères. Et laisse les pauvres concurrents sans eau et sans chair. C'est la révolte, on fait parler la poudre. Et toi t'as un coup de foudre par un son à 12 000 volts. Le monde est à nous, on fait grimper les enchères. Et laisse les pauvres concurrents sans eau et sans chair. C'est la révolte, on fait parler la poudre. Et toi t'as un coup de foudre par un son à 12 000 volts. Le monde nous appartient, il faut pas le laisser s'envoler. Trop d'aisés veulent nous baiser et voler notre propriété. Ils disent nous présenter tout en volant comme des truands. Suce notre thune jusqu'à la moelle et finissent en fusillant. Notre argent leur facilite leur transit illicite. Nous dérobe nos vies sous leur vue à la vue. Soit avoué tu craches ou tu caches et t'échoues. Cloisonné par le fer, un chien garde état de site. Les lois et des trois en gros pleurs et ferme ta gueule. Rampez-vous de la merde sans autre choix, c'est ce qu'ils veulent. Font miroir de ta liberté dans ta cage veloutée. T'es enchaîné au sol, t'es plus qu'une cible à shooter. Quoi qu'il t'arrive, n'oublie pas que le monde nous appartient. Redresse ton regard et soutiens le sien. Crache-lui à la face qui t'a chié durant des années. Respecte-le autant qu'il t'a respecté à peine affilé. Ils peuvent user d'autant d'abus de pouvoir qu'ils souhaitent. Ça changera rien, mon esprit les emmerde quand ils veulent. Brive-les de thunes, ce sont plus des cafards. Piétine-les, finis l'histoire, ce sont de grands bavards. Ils te tiennent pas les couilles car t'es soumis à la thune. Trop sont fait avoir depuis qu'ils sont la merde qu'ils eurent. Comme ils nous le font, une million, les comme des pions. Ils détiennent les fonds mais pas ma voix quand je chante. Le monde est à nous, qu'on fait grimper les enchères. Et laisse les pauvres concurrents sans eau et sans chair. C'est la révolte, on fait parler la poudre. Et toi t'as un coup de foudre par un son à 12 000 volts. Le monde est à nous, qu'on fait grimper les enchères. Et laisse les pauvres concurrents sans eau et sans chair. C'est la révolte, on fait